L'exposition des réalisations de la capacité de se renforcer soi-même des troupes de choc de la jeunesse a eu lieu au village de sport de la cité Chongchun à Pyongyang. La direction de la troupe de choc de la jeunesse Soktozon et la direction de la troupe de choc de la jeunesse 28 août y ont présenté les moyens de propagande et d'animation et des données d'éducation pour armer tous les commandants et membres des troupes de choc de l'esprit en matière de priorité de la capacité de se renforcer soi-même. Beaucoup d'équipements, d'outils et de données scientifiques et techniques adoptées au cours de la construction des projets importants pour le développement économique et l'amélioration de la vie de la population. Chun Yongnam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, les cadres de l'Union et du domaine intéressé, les membres des troupes de choc de la jeunesse ont fait le tour de l'exposition.